Tombée deux fois et se relever. Au retour de Bruxelles, Faustine se remet à la fréquentation assidue des groupes alcooliques anonymes. Maman, de son côté, arrête également de boire. Mais, une fois de plus, juge inutile de se faire aider. Le 14 juin 1991, pour la première fois en Suisse, les femmes font grève. C'est une grève programmée, autorisée par le gouvernement. Ah, c'est incroyable tout de même. À quoi ça sert alors? Néanmoins, sitôt qu'elle apprend la chose, Faustine décide qu'elle rejoindra le cortège. Peu avant midi, son patron appelle. Elle lui fait part de sa décision. Il, maugré un peu, trouve l'idée absolument ridicule. « Vous êtes si mécontente de votre situation actuelle ? Et moi qui me croyais le patron idéal ?»« Non, non, je suis tout à fait heureuse avec vous. J'y vais uniquement par solidarité. » C'est bon alors, je vous donne votre après-midi. Faustine passe à la maison pour revêtir le corsage rose, couleur de ralliement, qu'elle s'est offert pour l'occasion. Évidemment, maman méprise ses gamineries. Le cortège part de la place Saint-François. Arrivée sur place, Faustine s'empare d'un tract. Elle apprend que la grève est organisée par l'Union syndicale suisse pour l'anniversaire des 10 ans de l'inscription de l'égalité homme-femme dans la Constitution fédérale à la suite de la votation populaire du 14 juin, afin de demander son application concrète. L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Outre l'égalité salariale, les revendications portent surtout sur la protection contre le harcèlement sexuel, la formation, le perfectionnement, l'interdiction du travail de nuit et du dimanche, l'ouverture de crèches supplémentaires, le partage des tâches et le respect des femmes dans la société. Tout cela semble bien raisonnable. Faustine s'étonne que dans un pays aussi évolué que la Suisse, ces problèmes ne soient pas déjà résolus. Elle se doute bien qu'en ce qui concerne le partage égal des tâches familiales, il y a encore beaucoup à faire. Mais elle était persuadée, jusqu'à aujourd'hui, que les Suisses bénéficiaient de crèches en suffisance, ne travaillaient pas la nuit et n'étaient pas, sauf rares exceptions, exposées au harcèlement sexuel, aux abus et à la violence. Elle n'en éprouve que plus de sympathie pour ses consœurs, très nombreuses à être sorties dans la rue. On apprendra plus tard qu'elles étaient 500 000, soit une femme sur 4. Cela fera du bruit dans le monde entier, jusqu'en Russie, où la Pravda mentionnera l'événement. Faustine aurait bien voulu en savoir plus sur le terrain, mais elle a beau tenter d'accrocher les regards, elle reste transparente. Les solitaires sont rares. La plupart des femmes présentes sont ici avec leurs amis et leurs enfants. Désolée de n'avoir pu faire de rencontres intéressantes, la jeune femme rentre à la maison. Lundi, au bureau, Zézé se moque gentiment d'elle, espérant bien qu'elle ne deviendra jamais l'une de ces harpies de féministes qui ne souhaitent qu'une chose, battre les hommes sur leur propre terrain. Faustine ne répond pas. Elle suit des yeux la femme au foulard qui redescend du chuve. Vue de face, elle ressemble à Jean Seberg, en plus pâle et plus âgée. Faustine prie en silence pour que son traitement, quel qu'il soit, réussisse. Juillet, enfin ! Et la croisière sur la Baltique. « Mon Dieu, c'est ça le bateau ? » s'exclame Faustine. « Oui, il ne te plaît pas. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. On dirait un immeuble de 6 étages. » Quel dommage. Où est passé le 3 mois de mes rêves et son pont en teck? Bah, ma vieille, j'ai peur que tu doives te contenter de celui-là. Les seuls 3 mâts décents que j'ai vus sont réservés autour du monde et ça avoisine le 500 000 de francs suisses pour un voyage de 6 mois. C'est légèrement au-dessus de nos moyens. Bon, réplique maintenant. Tu as sorti tous les documents de ton sac? Après un premier contrôle, mère et fille suivent le parcours fléché menant aux responsables des cabines. Elles rejoignent la file et attendent leur tour. 2 employés leur fournissent un numéro de chambre, le sésame pour la porte, puis les envoie vers la préposée à la restauration. Là, on leur assigne une table qui sera la même pendant toute la durée du séjour. Elles doivent choisir l'heure du repas souhaité, midi et soir, et s'y tenir. Leur cabine donne sur la mer. L'exotisme y perd un peu avec cette fenêtre banale en lieu et place de hublot. La salle de bain ressemble à celle de n'importe quel hôtel 2 étoiles. En sortant de la cabine, on prend l'ascenseur qui mène au pont supérieur. À l'intérieur du bateau, rien ne différencie l'endroit de n'importe quel immeuble. On laisse aux 3000 voyageurs une petite heure pour s'installer. Puis les haut-parleurs les convoquent sur le pont afin que leur soient transmises les consignes de sécurité. On les affuble d'un gilet, puis on les instruit sur la marche à suivre en cas de rencontre fortuite avec un iceberg. Faustine et maman écoutent d'une oreille distraite, vivement que ça finisse. Elles ont hâte de rejoindre leur cabine et de déballer le reste de leurs affaires. Que la croisière commence enfin. 1 heure plus tard, c'est chose faite. Comment s'occuper ensuite jusqu'à l'apéritif de bienvenue qui sera servi dans les salons de l'entrepont? Mère et fille partent en exploration. Au pont inférieur, premier arrêt, au bureau de change. Plus loin, elles passent devant un coiffeur, un cinéma, une salle de concert. Plusieurs salons abrités donnant sur la mer où l'on peut siroter un thé en socialisant. Elles repèrent de nombreux bars judicieusement placés. Il y a également des dancings, des boutiques de fringues et même des bijouteries. Un kiosque propose des cigarettes beaucoup moins chères qu'en Suisse et des journaux dans toutes les langues. Le bateau est également pourvu de 2 piscines, une couverte et l'autre sur le pont supérieur. Enfin, il ne saurait y avoir de croisière digne de ce nom sans salon de jeu. Baccarat, machine à sous, roulette, chemin de fer, confiez-nous votre argent, nous saurons quoi en faire. Où que l'on se tourne, on tombe sur du personnel enthousiaste, toujours disposé à vous entraîner dans le lieu de perdition de votre choix. Maman et Faustine, ayant fait un premier tour de repérage, font une pause dans un bar pompeusement baptisé Ulysse. Maman commande son whisky préféré. Faustine hésite un moment. Où sont passées ses bonnes résolutions? Pourquoi n'est-il pas prévu une salle dédiée aux alcooliques anonymes sur le bateau? Finalement, elle choisit d'ouvrir une parenthèse, juste pour ses quelques jours de vacances. C'est promis, elle renouera avec la sobriété sitôt rentrée. Mais jusque-là, elle n'imagine pas passer 10 jours à se refuser chaque menu plaisir. À l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Faustine opte pour un Black Russian. Vodka et Kahlua, liqueur de café. Les deux femmes sirotent tranquillement leur boisson en attendant d'être appelées pour l'apéritif officiel de bienvenue et le discours du capitaine. Milos, le barman, est yougoslave. Il les accueille avec un grand sourire et bientôt leur raconte sa vie. Il est très heureux d'avoir été choisi pour ce travail, mais il se fait beaucoup de soucis pour sa famille restée au pays. Il parle un anglais approximatif difficile à appréhender. Maman et Faustine ne sont que superficiellement au courant des conflits affectant les Balkans. Elles n'en connaissent pas les détails. Leur seule participation se borne à compatir. Tous les soirs, maman et Faustine s'habillent et se maquillent pour se rendre au restaurant. Elles font la connaissance des autres passagers de leur table. Un promoteur immobilier, accompagné de sa femme et de leurs 2 enfants, et un 3e couple qui ne parle ni le français ni l'anglais. On leur a affecté le même serveur pour toute la durée de la traversée. Il n'y aura pas de repas à la table du capitaine. Avec plusieurs centaines de passagers, on se doute bien que cela n'est pas possible. Par contre, il y aura la soirée du capitaine en fin de croisière. On peut s'inscrire au guichet d'information, le même que celui qui propose les visites guidées lors des escales. Visite payante, bien entendu. Faustine est épatée par le nombre de repas. Depuis le petit déjeuner qu'on peut commander en cabine si on le souhaite, jusqu'au buffet de minuit, en passant par la collation de 11h, le déjeuner, la collation de 16h, le souper et la collation de 22h. Pour chaque repas, on s'habille différemment, bien sûr. Dès lors, Faustine comprend mieux pourquoi maman l'a encouragée à emporter toute sa garde-robe. Il n'en demeure pas moins que les buffets sont extraordinaires. Les esclaves, pour la plupart asiatiques, qui œuvrent en cuisine, possèdent des doigts de fée. Faustine n'est pas sûre qu'elle se donnerait autant de peine si elle était à leur place. Elle pense aussi à ces montagnes de nourriture qui ne seront pas consommées et aux effets de ce gaspillage sur ses travailleurs. Elle regrette d'autant plus d'avoir laissé maman décider pour elle de ces vacances dispendieuses qui ne correspondent plus à ses valeurs morales. À l'escale de Copenhague, les deux femmes se baladent en bus dans la ville et surtout attendent leur tour pour admirer et photographier la petite sirène. Petite indeed, presque autant que le mannequin piece de Bruxelles. À Gdansk, on observe les méfaits du communisme. Les immeubles sont décrépits, les magasins vides, les espaces verts restreints et les gens tristes. Le temps maussade n'aime pas réchauffer l'ambiance. Sur un marché brocante misérable, reflétant bien la misère des autochtones, Faustine se mêle à la foule et s'éloigne un instant du groupe. Ce n'est que dans le bus de retour, alors qu'une chaussure de rechange s'échappe de son sac, qu'elle se rend compte que celui-ci a été ouvert au rasoir sur toute sa longueur. Elle réalise sa chance. Son voleur a juste eu le temps de mettre la main sur l'étui de son appareil photo. Tout le reste, passeport, porte-monnaie, appareil photo, est encore là. Mais désormais, elle restera vigilante et gardera papier et argent dans ses poches. À Saint-Pétersbourg, les deux femmes s'extasient sur la beauté des palais. On leur fait visiter le célèbre musée de l'Ermitage. Mais que les salles sont grandes et leur traversée fatigante. Oui, bien sûr, les objets, les tableaux, les étoffes, les différentes vaisselles, les œufs de Fabergé sont d'une beauté impressionnante. Mais au bout de 3 heures et 10 ampoules au pied, mère et fille en ont plus cassé. Trompant la vigilance d'une gardienne, elle quitte le groupe en douce, s'enfuyant par une petite porte opportunément ouverte. Dehors, sur un parking anonyme, de jeunes hommes russes proposent aux touristes de jolies boîtes bleues emplies de caviar pour $5 la pièce. Voilà qui est intéressant. Engageant tous les dollars dont elle dispose, Faustine et maman en prennent carrément une vingtaine. Plus tard, ayant rejoint le groupe, elles se laissent balader dans un magasin d'État où elles achètent de la vodka. Avant de reprendre le car, elles restent longtemps accoudées sur un pont de la Neva à admirer le soleil couchant. Après Saint-Pétersbourg, on a pareil pour Helsinki, la capitale de la Finlande, visitée au pas de course sous un temps maussade, ne laissera pas de souvenirs impérissables. Stockholm est la suivante sur la liste. Faustine est heureuse de montrer certains endroits de la vieille ville à maman. Mais là encore, il faut se dépêcher. Le lendemain, elles sont fascinées par la petite île de Gotland au large de la Suède. Les deux femmes parcourent avec plaisir la ville médiévale de Visby. Le soir, elles rentrent boire l'apéro au bar de Milos. Faustine cumule toujours les Black Russian, bien que maman l'incite à se calmer. La jeune femme n'écoute pas, ne veut rien savoir. Dégoûtée par sa propre conduite, écœurée par ses échecs répétés, son mariage, Julien, elle continue à s'autodétruire. Elle consomme avant, pendant et après les repas avec une si farouche détermination que cette fois maman prend peur pour la santé mentale de sa fille. Jusqu'où ira-t-elle? Le soir suivant, une soirée jeu est proposée aux voyageurs. Vers 22 heures, Faustine et maman s'y rendent, chargées de monnaie. Pendant un bon moment, Faustine s'échine sur les machines à sous. Puis, ayant tout perdu, elle se rend dans le grand salon. 2 ou 3 personnes sont attablées à la table de roulette. Rejoignant un groupe de curieux, elle s'approche et observe les joueurs. Soudain, elle sent qu'on lui tape sur l'épaule. Se retournant, elle aperçoit Milos. Il lui glisse un billet de $50 dans la main et murmure « Joue !» Faustine pose le billet sur la table là où il lui fait signe de le mettre. La croupière s'interrompt alors, elle lui demande pourquoi elle n'a pas demandé un jeton. Souhaite-t-elle engager son argent ainsi? Faustine, embarrassée et maladroite, pensant qu'elle a commis une bourde qui pourrait nuire à leur ami, secoue la tête, reprend le billet et rejoint Milos qui attend au fond de la salle. Il est furieux et grogne qu'il est extrêmement rare que le noir sorte 3 fois de suite. Ah bon ? Faustine n'a rien remarqué, si seulement elle avait su jouer. Par contre, elle comprend, en voyant le regard désespéré de Milos, qu'elle a causé des dégâts irréparables. Elle aurait dû dire oui et laisser l'argent sur la table puisqu'on le lui proposait. Il aurait peut-être remporté 1 ou 2 mois de salaire, voire plus. Pour ce pauvre garçon dont le pays est en train de vivre un drame majeur, qui ne sait pas ce que sont devenus les siens et qui dort à fond de cale dans un simple hamac, on imagine sans peine combien l'enjeu était important. La jeune femme culpabilise tant qu'elle ne retournera plus à son bar, trop honteuse pour oser croiser son regard. La croisière se termine. Faustine a exploité presque toutes les distractions proposées, y compris la vente au maître de chaînes en or de diverses qualités. Elle a assisté à toutes les entrées et sorties de port. Aux abords des villes, les kilomètres de docks se suivent et se ressemblent. Des zones portuaires, grises et sinistres, où les bétaillères à touristes s'amarrent les unes à côté des autres pour laisser descendre à terre les happy taxpayers censés remonter le niveau du PIB du pays visité. Avant les visites de Göteborg et d'Oslo, lesquelles se passent sans encombre ni souvenir transcendant, Faustine participe à la soirée du capitaine. Elle est si jolie dans sa robe longue que celui-ci lui saute quasiment dessus pour la première danse. Hélas, elle s'est si bien désinhibée qu'elle titube dans ses bras sur la piste. Quelle honte ! Elle finira la soirée en faisant tapisserie, l'œil larmoyant. Plus personne ne l'invitera à danser. Vivement qu'on passe à autre chose.